Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 51. De la sépulture du Christ. Convenance de la sépulture de notre Seigneur. Son corps était exempt de corruption. Pourquoi il n'est resté qu'un jour et deux nuits dans le tombeau? 1. Convenait-il que le Christ fût enseveli? Parlant de la femme qui avait répandu un parfum sur sa tête, le Sauveur disait, « Elle a fait une action louable, elle a fait une action louable, elle a répandu ce parfum sur mon corps en vue de ma sépulture. » Matthieu 26, 6 à 13. Prouver qu'il était véritablement mort, fournir à Pilate l'occasion de s'en assurer, donner à tous les hommes l'espoir de la résurrection, selon cette parole, tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront, Jean 5, 28, nous inspirer la pensée de mourir spirituellement au péché et de fuir le tumulte du monde, afin d'embrasser la vie cachée en Dieu. Conformément à cette parole, nous avons été ensevelis avec le Christ par le baptême pour mourir au péché, Romains 6, 4. Voilà autant de raisons pour lesquelles il convenait que le Christ fût enseveli. 2. Le Christ a-t-il été enseveli convenablement? Isaïe 11, 10, disait par prophétie, son tombeau sera glorieux. Il est aisé de montrer que le Christ a été enseveli comme il convenait. En effet, le récit évangélique affermit la foi dans sa mort et dans sa résurrection, rend recommandable la piété des personnes qui ont présidé à sa sépulture, et nous représente les effets mystérieux de la grâce dans ceux qui s'ensevelissent avec lui pour mourir au monde. Note. La myrrhe et l'aloès sont le symbole de la pénitence, les aromates, celui de la bonne renommée. Le suaire blanc dans lequel on l'enveloppa, c'est l'âme pure qui le reçoit. De là l'usage de célébrer le sacrifice de l'autel sur le lin pur, et non sur la soie ni sur des étoffes. Le jardin nous rappelle le paradis terrestre, où notre mort fut encourue par le péché d'Adam. Le sépulcre neuf est taillé dans le roc et la figure du cœur de la gentilité, où la crainte de Dieu n'avait eu jusqu'alors aucun accès, et que la parole divine a façonné. Il servait aussi à montrer que le corps de notre Seigneur n'avait point été enlevé par quelque couverture pratiquée sous les fondements. La pierre qui enfermait l'entrée marque le soin avec lequel nous devons garder Jésus-Christ dans nos âmes, pour empêcher l'ennemi de nous l'enlever. Fin de la note. 3. Le corps du Christ s'est-il corrompu dans le sépulcre? Le Christ, pour montrer sa vertu divine et afin que sa mort ne fût point attribuée à l'infirmité de sa nature, voulut que son corps fût préservé de toute décomposition. Le psalmiste l'avait prédit en ces termes, « Vous ne permettrez pas que votre saint éprouve la corruption. » Psaume 15, 10. Admirable contraste. S'écrit Saint Chrysostome, les héros du monde voient, pendant leur vie, l'allégresse et l'éclat entourer leurs belles actions. Meurent-ils? Tout s'éteint avec eux. Le Christ, au contraire, n'aperçoit autour de sa croix que tristesse et infirmité. A-t-il expiré? Tout est éclatant, afin que nous sachions bien qu'il était plus qu'un mortel. 4. Le Christ n'a-t-il été dans le sépulcre qu'un jour et deux nuits? Saint Augustin dit, depuis le soir de la sépulture jusqu'au matin de la résurrection, il s'est passé 36 heures, c'est-à-dire une nuit entière, un jour entier et une seconde nuit tout entière. Ce temps indique l'effet même de la mort du Christ. Les deux nuits sont l'emblème de la double mort de l'âme et du corps, dont nous avons été délivrés. Le jour représente la mort du Sauveur, qui, ayant pour cause la charité, se symbolise par la lumière bien plutôt que par les ténèbres. Note. Pour trouver les trois jours et les trois nuits dont parle l'Écriture, il faut se rappeler le langage dont elle fait ordinairement usage, et, prenant la partie pour le tout, composer un jour naturel avec certaines heures du jour et de la nuit. Le premier jour est dans la dernière partie du vendredi, où le Sauveur est mort et a été enseveli. Le second contient 24 heures. La nuit qui vient après détermine le troisième. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.